Un prêtre nommé Jean, homme de bien, natif de la ville de Lyon, France, ayant entendu le bon rapport des religieux ermites de l'ordre de Saint-Augustin, proposa de soi-même de se faire religieux de l'ordre de Cîteaux. Mais il changea de propos peu après. En satisfaction de quoi il entreprit le pèlerinage de Saint-Jacques en Galice, Espagne, lequel ayant été achevé avec grande dévotion, il retourna en la dite ville où il fut recueilli avec grande joie par ses parents. Or comme il se trouvait travaillé du voyage, il s'en alla prendre du repos. Il advint qu'en dormant, notre Seigneur Jésus-Christ se présenta à lui incontinent avec deux de ses apôtres, à savoir Saint-Pierre Céphas et Saint-Jacques Jacob. Saint-Pierre tenait en sa main un livre où étaient inscrits les noms en lettres d'or. Notre Seigneur lui ayant commandé d'ouvrir le livre, il commença à lire, et lisant là aussi le nom du dit Jean, notre Seigneur dit « Ôtez-le. Ôtez-le de là. Effacez son nom. Il avait promis d'être mon servant et il a manqué à sa promesse. » Jacques s'interposa pour lui, et dit « Mon Seigneur, je vous prie, n'effacez pas son nom, lui qui a été mon pèlerin. Il devait être mon citoyen et non pas ton pèlerin. N'est-ce pas plus d'être mon citoyen que ton pèlerin, dit notre Seigneur ? » L'apôtre Jacques persista dans sa supplication, et dit « Seigneur très pitoyable, je vous supplie, ne l'effacez pas. Ne l'effacez pas. Je réponds pour lui qu'il fera ce qu'il a proposé. Quand le fera-t-il, dit notre Seigneur ? En dedans 15 jours, dit l'apôtre. » Se réveillant à ces mots, Jean se prosterna à terre et remercia Saint-Jacques pour son plaidoyer, et répondit en grande effusion de larmes. « Je ferai sans doute ce que si miséricordieusement vous avez promis pour moi. » Peu de temps après il s'endormit. De rechef notre Seigneur lui apparut avec ses mêmes apôtres et commanda de rechef d'ouvrir le livre. Jean entendit Saint-Pierre lire « Nous te ferons ornements et chaînes d'or, diversifiées d'argent. » Jean se leva aussitôt pour accomplir son vœu, au jour qui était dit. Il fut le premier abbé de ce nom du couvent de Bonneval, puis évêque de Valence, renommé pour beaucoup de miracles.